Ceci est un panneau de présignalisation. Il annonce les directions desservies à la prochaine intersection avec indication de la distance à parcourir avant l'intersection.